Ma chère Irina, éloignée de toi, je pratique ma voix et c'est parfois Sila, Sila, Sila, pas, on ne m'appelle pas époux et papa, pas présent sur votre toit. Il est clair que je vous ai imposé mes choix. Parfois vous me haïssez, je vous aime et suis un poids. Je sais pas mon accent, je t'ai su votre patience. Que cela ait du sens à votre avis, rien qu'il ne pense. Vos pensées angoissées, agonie de l'espérance. Je le sens, c'est assez pour vous la rude cadence de ma vie. Menace de tout casser, entre nous grief, fantasé, ça ne passe plus. Bref, place au coup de l'incompréhension. Je suis plein d'appréhension, mais je suis ma vocation, dépassant toutes tes questions. Je marche solitaire sur des cimes escarpées, pieds ancrés sur terre et tête dans la voie lactée. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Ma chère Irina, la vie va si vite, tu le vois, elle ne reviendra. Et le temps imitant la mythe ronge tous nos espoirs enfantins, nous laissant dans nos pleurs face à la départ. Ce n'était que des leurs saisissants, fracassés contre le bloc de mes contradictions. Je ne monte que de la médiocrité. Je me voudrais un homme de Dieu, je ne suis pas même à même de recouvrir d'autres choses que je veux. Ce qui se donne à moi et même je sème la tempête de l'angoisse dans les cœurs. Blême vos sous-échecs qui croisent. Je vois que nos chemins s'entrecroisent. Envers nos pas se perdant dans le rien, tenter de fuir. Car je crains ce constat si navrant, mais je me veux encore vivant et assume l'effrayant en moi. Dieu, rends-moi grand. Je marche solitaire sur des cimes escarpées, pieds ancrés sur terre et tête dans la voie lactée. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Ma chère Irina, je sais au fond de moi que notre foyer sera mis à bas, abattu par la loi qui veut qu'un amour ne conserve pas impunément des cadavres de son arrière-cour. Diras-tu que cela ne se sent pas? Pourtant lentement la putréfaction nous gagne. Sans doute ai-je gaspillé ton temps, notre famille est devenue un bagne. De tout mon être je tends à être mystique, silencieux. Il ne peut y avoir de reniement de ma vocation et tes yeux se refusent obstinément à me voir tel que je suis. Tu voudrais me plier à ton plan, à me recouvrir de la suite de tes aspirations vivant. Tout ça, tes exigences pour moi un étouffement, et partir est ma défense. Tatiana, mon enfant, Dieu sait que je vis pour toi. Et toutefois je suis absent, écartelé dans ma voix. Je marche solitaire sur des cimes escarpées, pieds ancrés sur terre et tête dans la voie lactée. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume. Il y a quelque chose de sombre dans ma lumière, pas mon seigneur. J'ose faire face à ce qui m'atterre, pas de fuite, j'assume. Un démon n'amertit pas la prière et la plume, c'est ma flamme que je rallume.